Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. L'Association burundaise des consommateurs a beaucoup s'inquiète de la hausse des taxes sur les unités alors que le budget de l'État exercice 2023-2024 n'est pas encore promulgué. Dans cette édition, on vous parlera des consommateurs de l'eau gérée par la commune Bururi qui s'insurge contre les facturations pourtant arrêtées par le ministère de l'Intérieur. Célébration ce jeudi de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Des cérémonies ont eu lieu en commune Mhanda de la province Bubanza. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Douayo. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois, page économie pour débuter cette édition. L'Association burundaise des consommateurs à Bouko en sigle déplore le fait que certaines compagnies de téléphonie mobile ont déjà commencé à taxer les unités au moment où le budget programme 2023-2024 prévoyait cette revue à la hausse de ces unités. Ce budget n'est pas encore entré en vigueur. Pierre Ndouayo, président de la Bouko, trouve que la revue à la hausse des taxes sur les unités est très exorbitante vu leur faible niveau de vie. Il ajoute que ces taxes pourront avoir un impact négatif sur la politique du gouvernement portant sensibilisation des nouvelles techniques de télécommunication chez les jeunes et les femmes. Suivez plutôt Pierre Ndouayo au micro d'Evariste Nzikobanyan. Oui, la réaction que nous faisons au niveau de la Bouko, c'est que les compagnies de télécommunications qui ont déjà mis en place une surtaxation, soit disant que le budget exercice 2023-2024 le prévoit, et ce n'est qu'un vol simple qu'ils sont en train d'opérer auprès de la population, parce que même s'il fallait hausser les prix, il fallait quand même attendre que le budget entre en vigueur. Et en deuxième lieu, au niveau de la Bouko quand même, nous avions essayé d'attirer l'attention aux honorables députés et sénateurs quand le projet de loi les avait été envoyé, parce que nous voyons que le secteur des TIC est un secteur qui va être beaucoup taxé au cours de cet exercice budgétaire. Nous avions attiré l'attention que le fait de beaucoup taxer ce secteur va à l'encontre même de la politique de développement des TIC dont le Burundi s'est doté, exercice 2010 jusqu'à 2025, où on comptait faire du Burundi un centre d'excellence en matière de TIC. Nous, au niveau de la Bouko, nous allons continuer à faire le plaidoyer pour que ce secteur soit détaxé. Le gouvernement s'était lancé dans la sensibilisation des jeunes, des femmes pour que ces couches sociales puissent utiliser les télécommunications modernes. Oui, ça constitue vraiment un frein et d'ailleurs c'est même un paradoxe parce que les politiques sont en principe traduites sur le plan budgétaire. Donc si on veut que la population ait accès au TIC, on devrait absolument faire à ce que le coût des TIC soit le plus bas possible. Et je vous le disais, il y a même un fonds qui a été institué pour permettre à tout le monde d'y accéder. Malheureusement, vous voyez avec les tarifs qu'on est en train d'appliquer dans ce secteur, c'est comme si on veut décourager la population à utiliser les TIC pour qu'ils soient seulement réservés à la couche la plus aisée. Nous disons que ça va vraiment contre même la politique dont le gouvernement s'est doté en matière de TIC. Pierre Ndouayo, président de l'Association burundaise des consommateurs à Bouko, en page santé. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont plus touchés par la malaria. Ceci a été réaffirmé ce jeudi dans la commune Mhanda en province Bubanza par le docteur Dieudonné Nichaenzi, délégué de l'Organisation mondiale de la santé lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme pour éradiquer cette maladie au Burundi. Docteur Nichaenzi exhorte la population burundaise à dormir sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Suivez. En ce jour du 29 juin 2023, où le Burundi a choisi pour commémorer la journée mondiale contre le paludisme, permettez-moi d'exprimer notre grande joie et notre gratitude de participer à cette cérémonie. Les répercussions dévastatrices de cette maladie entraîne tant sur la vie des populations et sur le développement économique dans la région. La journée mondiale contre le paludisme, célébrée chaque année, donne aussi l'occasion de faire le point du chemin parcouru, les avancées enregistrées et les défis à relever en matière de recherche pour venir à bout de cette maladie qui, malheureusement, reste la première cause de mortalité dans beaucoup de pays du continent, surtout en Afrique subsaharienne. Le thème de cette année est temps de parvenir à zéro cas de paludisme, investir, innover et mettre en œuvre, mais à lumière les efforts concertés entrepris qui donnent des résultats positifs. Pour preuve. En 2021, grâce aux mesures prises conjointement par les pays touchés et par les partenaires, la mortalité liée au paludisme a baissé par rapport à 2020, malgré les effets néfastes de la maladie à coronavirus 2019. Du point de vue des progrès réalisés, un engagement solide au niveau national a été manifeste malgré la pandémie de Covid-19 et cela s'est traduit par de nombreux résultats. Environ 75% des 161 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides prévus ont été distribués. Le traitement préventif saisonnier du paludisme a été étendu à plus de 45 millions d'enfants dans 15 pays africains, en très forte augmentation par rapport aux 33,4 millions d'enfants qui avaient été touchés par ce traitement en 2020. Dans le même temps, la prestation de services de dépistage et de traitement du paludisme a été maintenue. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est normalement célébrée le 25 avril de chaque année. Et l'hystérie est une maladie réelle au Burundi. Sur plus de 900 personnes accueillies par le centre à Luma jusqu'en 2023, plus de 30 personnes étaient atteintes de cette maladie. Lors d'un café de presse jeudi, Saniel Twagirayezu, psychologue à ce centre, évoque une chute élégante parmi les symptômes. Le sexe féminin est plus touché, selon ce psychologue. On l'écoute. C'est une maladie qu'on observe ici au Burundi. Parmi les personnes ou les patients que nous avons accueillis, nous avons déjà accueilli à peu près 900 patients et nous avons observé qu'à peu près 30 patients ont été diagnostiqués des troubles histrioniques. Et c'est pour cela que nous avons jugé bon d'informer les médias en fait que la population burundaise puisse savoir ce que c'est cette maladie. En fait, que la population puisse aussi savoir comment faire et où orienter les patients qui présentent ces troubles de la personnalité ou bien ces troubles du comportement qui sont liés à cette maladie. Les principaux signes qu'on observe chez ces personnes, ce sont des personnes qui ont toujours besoin de l'affection plus que les autres personnes. Étant donné que cette maladie est liée à la manque d'affection suffisante, dira l'âge de l'enfance de 0 à 6 ans, lorsque une personne atteint un âge adulte, il cherche toujours à combler le vide qui se trouve dans elle en cherchant d'attirer l'attention sur soi. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle théâtralisme, où une personne manifeste des comportements qui semblent être des comportements des enfants, alors que c'est une personne qui est adulte. Et chez les filles, on observe ou bien l'excès des choses qu'ils portent à elle. Tu peux avoir une fille qui a des cheveux rouges, lèvres rouges, robes rouges, ongles rouges, pour que la population, ou bien pour que là où elle passe, elle puisse attirer l'attention sur soi. Donc c'est une maladie qui se manifeste surtout par les signes qui manifestent la quête de quelque chose qu'on a manqué. Mais on observe que le genre féminin est beaucoup touché plus que les hommes. Et cela est lié à notre culture. Ici au Burundi, les femmes ont beaucoup besoin de l'affection plus que les hommes. Page santé encore. La mise en place des ordres professionnels dans différents domaines de la santé permettra aux communautés de savoir à qui s'adresser lors des soins. Dr Richard Ndayishimiye, coordinateur du Centre d'incubation et de l'accélération de l'Université du Burundi, indique que ce centre vise la sensibilisation des lauréats des universités à se créer eux-mêmes de l'emploi. Il a dit ce jeudi lors d'une conférence de presse organisée, tout en rappelant au gouvernement de créer plusieurs ordres dont le secteur de la santé. On l'écoute. Les ordres professionnels ont la vocation à défendre le public, le public en général. Et ce n'est pas la défense des intérêts des membres de ces ordres, mais ce qui prime, c'est les intérêts du public. Et ça, c'est même le point sur lequel nous sommes partis en montrant l'importance de la mise en place de ces ordres professionnels au niveau de chaque profession en général, et plus particulièrement dans le secteur de la santé. Et nous nous réjouissons du pas déjà franchi. Nous saisissons aussi l'opportunité de lancer un vibrant appel au gouvernement pour la création, la mise en place de ces ordres professionnels, que chaque profession au Burundi soit régie par un ordre professionnel et le fait que le gouvernement l'a déjà compris et en mettant en place une loi relative, et c'est déjà un grand pas. Ce qui reste, c'est de sensibiliser ces différents professionnels des différents domaines, de s'associer, de pouvoir penser à la création des ordres professionnels. Nous avons voulu faire une sensibilisation sur l'importance, le rôle des ordres professionnels dans la promotion, la protection de l'emploi. Nous avons commencé par montrer le lien qui existe entre l'entrepreneuriat et les ordres professionnels. Et ce lien est très simple. On sait que l'entrepreneuriat, c'est une manière de créer des activités économiques, des activités sociales qui peuvent être génératrices de revenus ou non. Nous avons insisté sur le fait qu'en créant une activité, on s'intègre dans une profession. Et en s'intégrant dans une profession, on est censé suivre la loi, la réglementation de cette profession. Alors, c'est dommage qu'il y ait des professions qui n'ont pas des ordres. C'est le cas du secteur de la santé où le processus est en cours et nous avons essayé de sensibiliser les participants qui sortent de cet atelier enrichi des résultats, des échanges et des discussions qui ont été menées. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h11 dans le studio de la radio Isanganiro, page sécurité de cette édition. Une personne a été tuée, une autre grièvement blessée sur la colline Kayange, en commune Musigati, province Bubanza, au cours de la nuit de ce 28 juin. La police explique que les policiers en patrouille ont croisé des gens qui ont refusé de dévoiler leur identité. Ils ont tiré, croyant que c'était des malfaiteurs. Plus de détails avec Spes Caritas Kabanyana. Les habitants de la colline Kayange, en commune Musigati, près de la forêt naturelle de la Kibira, disent avoir entendu des coups de feu au cours de cette nuit, aux environs de minuit. C'est ce jeudi matin qu'ils ont appris que c'était les habitants de la même colline qui faisaient la patrouille et qui se sont heurtés à une autre patrouille policière. La même source raconte que les policiers ont demandé à ces gens de s'arrêter et de dire leur identification. Au lieu de répondre, ils se sont volatilisés dans la nuit et les policiers ont tiré, faisant un mort et un blessé. Au niveau de l'administration et de la police, ce sont les mêmes explications. Les sources policières rajoutent qu'il s'agissait de deux groupes de personnes qui rentraient dans leur ménage. Quand le premier groupe s'est heurté à une patrouille policière, il a fui avant de donner son identification. Et c'est le deuxième groupe qui a essuyé des tirs de la part des policiers qui ont cru que c'était des malfaiteurs. Et l'une de ces personnes est morte sur le champ. L'autre a été grièvement blessée et se trouve sous des soins intensifs pour le moment. Les sources policières démentissent également les rumeurs qui disent qu'il y aurait des rebelles dans cette localité. Spécialitas Kavanyana à Musigati pour Radio Isanganiro. De Bubanza, rendons-nous en province Bururi, c'est au sud du Burundi, pour parler des grognes des consommateurs de l'eau gérée par la commune Bururi suite aux factures sur lesquelles, distribuées sur lesquelles se trouvent les arriérés des deux dernières années, alors que le ministère de l'Intérieur a pris la mesure d'attribuer la gestion de l'eau commune, interdisait les régies communales de l'eau de continuer les facturations. L'administrateur communal de Bururi dit que cette mesure de suspendre le paiement des factures de l'eau consommée ne concernait que les robinets publics. Les bénéficiaires des branchements privés doivent régler les factures. Le point avec Zenon Nzambiman. Les habitants des différentes collines consommateurs de l'eau gérée par la commune de Bururi, mais bénéficiaires des branchements privés, grognent qu'ils sont en train de recevoir aujourd'hui des factures de plus de 300 000 francs pour Rwandais, alors qu'ils n'avaient jamais payé de telles sommes pour l'eau consommée dans un seul ménage. Selon eux, ces factures ont sensiblement augmenté suite aux arriérés des deux dernières années exigées par la commune de Bururi, alors que le ministère de l'Intérieur avait pris la mesure de suspendre le paiement de l'eau qui était gérée par la régie communale de l'eau, une mesure qui attribuait la gestion de l'eau aux communes, mais dès lors, la commune d'Obrouli n'avait pas encore distribué les factures de l'eau consommée, selon les habitants de la colline de Kilemba avec qui nous sommes entretenus. Selon ces habitants, la faute ne leur appartient pas. Ils demandent à la commune d'Obrouli de ne pas considérer ses arrières des deux dernières années où la commune était presque absente dans la gestion de l'eau. Félix Nyongabo, l'administrateur de la commune d'Obrouli, indique que les bénéficiaires de l'eau gérés par la commune d'Obrouli ont mal compris la mesure prise par le ministère de l'Intérieur de suspendre le paiement des factures de l'eau consommée, mais cette mesure ne concerne que les robinets publics. Il fait savoir que ces arriérés de l'eau gérés par la commune d'Obrouli et dont les branchements sont privés doivent être payés. Depuis Obrouli, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zenon Nzambimana. 1338 coopératives des collines composant le Burundi ont été financées par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ au cours de l'année 2022-2023. Présentant le bilan annuel lors d'une conférence de presse ce mercredi à Gitega, Désiré Manila Kiza, coordinateur national du PAEJ, a ajouté que près de 10 000 jeunes et 3 000 femmes ont été formées en matière d'entrepreneuriat. Voilà, à 18h15 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouayo qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyangi.